Seconde Corinthiens chapitre 9. Car de vous écrire touchant la collecte qui se fait pour les saints, ce me serait une chose superflue. Vu que je sais la promptitude de votre zèle, en quoi je me glorifie de vous devant ceux de Macédoine, leur faisant entendre que l'achat est prêt dès l'année passée, et votre zèle en a excité plusieurs. Or j'ai envoyé ces frères, afin que sans quoi je me suis glorifié de vous, ne soit pas vain en cette occasion, et que vous soyez prêts, comme j'ai dit. De peur que ceux de Macédoine venant avec moi, et ne vous trouvant pas prêts, nous n'ayons de la honte, pour ne pas dire vous-même, de l'assurance avec laquelle nous nous sommes glorifiés de vous. C'est pourquoi j'ai estimé qu'il était nécessaire de prier les frères d'aller premièrement vers vous, et d'achever de préparer votre libéralité que vous avez déjà promise, afin qu'elle soit prête comme une libéralité, et non pas comme un fruit de l'avarice. Or je vous dis ceci, que celui qui sème chichement, recueillera aussi chichement, et que celui qui sème libéralement, recueillera aussi libéralement. Mais que chacun contribue selon qu'il se laisse proposer en son cœur, non point à regret, ou par contrainte, car Dieu aime celui qui donne gaiement. Et Dieu est puissant pour faire abonder toute grâce en vous, afin qu'ayant toujours tout ce qui suffit en toutes choses, vous soyez abondants en toute bonne œuvre. Selon ce qui est écrit, il a répandu, il a donné aux pauvres, sa justice demeure éternellement. Or celui qui fournit de la semence au semeur, veuille aussi vous donner du pain à manger, et multiplier votre semence, et augmenter les revenus, de votre justice. Étant pleinement enrichi pour exercer une parfaite libéralité, laquelle fait que nous en rendons grâce à Dieu. Car l'administration de cette oblation, n'est pas seulement suffisante pour subvenir aux nécessités des saints, mais elle abonde aussi de telle sorte, que plusieurs ont de quoi en rendre grâce à Dieu. Glorifiant Dieu pour les preuves qu'ils font de cette assistance, en ce que vous vous soumettez à l'évangile de Christ, et de votre prompte et libérale communication envers eux et envers tous. Il prie Dieu pour vous, et il vous aime très affectueusement, à cause de la grâce excellente que Dieu vous a accordée. Or grâce soit rendue à Dieu, à cause de son don inexprimable.